chez nous, en pleine ébullition, prolifique, stérile, que l'on nomme nation, telle immense terrible, monolithe de béton, pour grandeur assassine, le charme d'un démon, bien plus noir que la mine, bien plus lourd que le pont, avide d'argent facile, de pépites de filon, plus les couches s'empilent, plus folle est l'obsession de l'esprit qui culmine, court après l'érection, justifiant l'injustice, décapant haute pression, manœuvrant à sa guise, au diable solution, vaste monde subtil, lieu d'incarcération, offre-toi et asile, liberté en prison. Ici bas c'est l'usine, le joug des illusions, damnés sont les familles, plaisir à mi-chanson, gloire au tout mercantile, mensonge acquisition, aux propos qui envenime, qui délite raison, la finance à la ruine, l'effort pris sous l'action, le travail au péril, calcine direction, tourne, tourne, turbine, pressions et répressions, barre, barre la vie, dans l'état d'oppression, et à fond la boulie, force dissuasion, à Kaboul conduit, jouer la diversion, qui donc s'en fout, qui donc s'en fout. Se fout de vous, pas un moindre sourire, ni lueur d'attention, au sommet de la vie, pas de remise en question, l'amour c'est un délire, sorte d'incantation, farce juste pour rire, ou évadition, mystifié par le vice, leurré par le pognon. Demeure champ de fiche, et bien pas le résultat. Quand t'as du grave affiche, fin de l'indignation, et bien comme il respire, faut que tu télévisions. Décoche tout fait rire, plus manipulation, l'opinion du soupir, et s'endort au violon, acquiescer ou voir pire, calcul ou équation, le facteur pour en rire, non inclus en l'option, qui donc s'en fout, qui donc s'en fout.